Vous écoutez le podcast de Bookalicious, le média de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhart. Parfois, il arrive que j'ai très envie de parler de très bons livres, mais que je sois incapable d'articuler une thématique digne de ce nom. Faut-il absolument une thématique, d'ailleurs ? Oui, c'est plus facile à présenter, sans doute, mais bon, là, j'ai simplement envie de vous parler de deux coups de cœur, un jeune auteur canadien contemporain et un monstre américain mort depuis 20 ans. Donc vous savez quoi ? Au diable les thématiques, place à la littérature et un étalage enthousiasme d'admiration stylistique pour Charles Bukowski avec Tempête pour les morts et les vivants, traduit par Romain Monnery aux éditions du Diable Vauvert, et Jordan Tanahil avec un premier roman, Liminal, traduit par Mélissa Véraud aux éditions La Peuplade. Présente-t-on Charles Bukowski en 2020 ? Je vais partir du principe que non, et seulement rappeler, s'il y avait de jeunes oreilles, qu'il s'agit là d'un poète et romancier américain majeur, né en 1920. Alcoolique, roublard, provocateur, vulgaire, joueur, bagarreur, il tentait à tout prix de passer pour un gros méchant, alors qu'il abritait en réalité une sensibilité hors du commun. Comme personne, il a été capable d'extraire la beauté de la misère existentielle, la tendresse de la violence quotidienne, la poésie de la saleté du réel. Sans doute n'oubliera-t-on jamais Bukowski et continuera-t-on de l'imiter, lamentablement, il faut le dire, génération après génération, comme s'il suffisait de parler de cul et de picole pour seulement approcher l'ourlé de son jean crasseux. Quant à celles, s'il y en avait qu'il trouverait sexiste et pousserait des cris d'otarie à la seule évocation de son nom, passez votre chemin. Merci. Saluons donc la bonne idée du Diable Vauvert d'avoir programmé un Bukowski, comme on dit, à la rentrée littéraire 2019. Oui, je sais, je suis en retard. Ça fait quand même souffler le vent d'une certaine qualité. Point de roman, mais de la poésie. Encore mieux. Des poèmes publiés dans d'obscurs magazines underground, comme il en fleurissait à l'époque. Et constituer cette anthologie a demandé des recherches minutieuses dans les bibliothèques et collections privées américaines. Un véritable travail d'archéologue et de documentaliste que l'on tient entre ses petites mains impatientes. Le contenu est fidèle à l'image que l'on a de Bukowski quand on le connaît, quand on aime sa plume aux antipodes de la bienséance et du politiquement correct, cette explosion d'humour et de raillerie, de transgression et de sensibilité. Jalonnés de quelques dessins, ces dizaines de poèmes, très courts ou parfois plus longs, viennent, si cela était encore nécessaire, confirmer que Charles Bukowski est l'un des plus grands poètes de l'histoire de la poésie et que ce n'est pas demain, la veille, qu'on lui trouvera un successeur. Vous l'aurez deviné, fins auditeurs que vous êtes, j'aime Bukowski à la folie et ne peux que vous encourager à faire de même. On ne s'éloigne pas beaucoup des États-Unis avec ce détour par le Canada et la découverte de Jordan Tanahil et de son premier roman, publié aux éditions La Peuplade, dont je vous parlerai plus en détail bientôt. Liminal, c'est un roman d'une puissance rare, ce genre de texte qu'on prend dans la figure avec jubilation. Non pas parce qu'il a un concept, non, mais parce qu'il est époustouflant de maîtrise et de sincérité. Petit aparté, l'autofiction et l'autobiographie, en tout cas la française, j'en ai un petit peu assez. Je dirais que j'ai un petit peu assez de lire 355 fois le même roman avec des histoires de famille ceci, des drames cela, des ruptures, des histoires atroces. J'ai parfois l'impression que plus c'est sordide et dur, plus on érige l'exhibition en outil stylistique, plus c'est vendeur. Attention, quand même, précautions oratoires, je ne critique en aucune manière les histoires singulières derrière les romans et les démarches personnelles qui amènent à l'écriture de choses qu'on a l'impression d'avoir déjà lues ou déjà vues. Ce que je vais critiquer, c'est la tendance éditoriale à en faire un petit peu des bêtes de foire. Et on pourrait nager dans le pathos avec ce texte ciselé comme une œuvre d'art contemporain. Son auteur est d'ailleurs à l'origine de plusieurs pièces de théâtre et ne cache pas son goût pour l'art contemporain. Ceci explique un peu cela. Tout part d'un point, un seul. Le narrateur va vérifier si sa mère, qui a eu un problème cérébral quelque temps avant le temps de la narration, est encore en vie ou si elle est morte dans son sommeil. C'est quand même un petit peu, on peut dire, stressant comme question. Se demander si sa maman qui dort à l'étage, si elle est morte ou elle est vivante, je pense que personne n'a envie de se retrouver à cette place. Tout le roman tient dans cette question, inspirée de l'expérience du chat de Schrödinger que les scientifiques en herbe connaissent. On met un chat dans une boîte avec du poison, on ferme la boîte. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte et qu'on ne sait pas si le chat a mangé ou non le poison, le chat est scientifiquement autant mort que vivant. La mère du narrateur, qui elle est rigoureusement ritualisée, ne s'est pas levée. Que se passe-t-il? Elle peut être morte, donc des suites de son problème cérébral, comme elle peut être toujours en vie et simplement faire la grasse matinée. Donc quand même, on pourrait effectivement nager dans quelque chose d'un peu... d'un petit peu lourd, d'un petit peu oppressant. Et ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, cette interrogation, hésitation, peur, c'est le déclencheur d'un roman patchwork où le narrateur s'adresse directement à sa mère, qui l'épingle, parfois, mais adore de tout son être, de toute sa créativité. Jordan est le fils unique d'une scientifique de haut niveau. S'il n'est jamais question de père dans l'histoire, c'est tout simplement parce que sa mère l'a eu par insémination artificielle, toute seule, comme on dit, lassée de ses déboires avec des hommes qui la déçoivent. Femme forte et maladroite, fragile et souvent dure mais profondément aimante, la mère de Jordan dessine une personnalité particulière qui ne peut qu'engendrer un fils à la personnalité particulière. Dans une autofiction que l'on imagine plus autobiographique, sans justement le côté exhibitionniste que peut revêtir ce genre, Jordan raconte sa vie, contenue dans l'instant où il pousse la porte de la chambre de sa mère sans savoir si elle est vivante. Ce seul instant lui déclenche un mouvement de flashback et d'introspection, un peu comme si, en fait, c'était lui qui mourait. Je dis ça parce qu'il paraît qu'on voit sa vie défiler devant ses yeux au moment de mourir, et Jordan revient sur la sienne sans rien en omettre au moment où il est certain que peut-être sa mère ne respire plus. Émois amoureux, découverte artistique, errance personnelle, amitié indestructible, colère et provocation à l'égard de l'autorité maternelle, mensonges tendres, construction identitaire, rien n'est mis de côté dans ce récit de vie. Rien ne semble, par ailleurs, écrit par volonté de provoquer. Jordan aime sa mère, et plus encore. Il est reconnaissant et admiratif de sa personnalité. C'est un bel hommage qu'il lui livre, sans savoir si elle est encore en mesure de le recevoir et qu'il dévoile au lecteur tenu en haleine. Bref, il n'est pas question de spoiler ni de dem dropper. Non, je ne comparerai pas Jordan Tanahy à Xavier Dolan. Il y a beaucoup de références artistiques, philosophiques et littéraires dans ses pages, écrites avec fluidité, humour, tendresse et autodérision. C'est un très beau premier roman qui se lit d'une traite et joue avec les émotions du lecteur avec une grande sensibilité. Voilà, c'est la fin de ce podcast aux inspirations poétiques. Je vous ai parlé de Tempête pour les morts et les vivants de Charles Bukowski, traduit par Romain Monnery aux éditions du Diable Vauvert, et de Liminal de Jordan Tanahil, traduit par Mélissa Véro aux éditions La Peuplade. On se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures, car lire, c'est bon.